Bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour, bonjour à tous ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos et je vous remercie d'avoir répondu et je vous prie d'inviter le maximum de personnes parce que ce sujet dont nous allons discuter ensemble ce matin et cet après-midi pour ceux qui sont en Europe et au Gabon, en Afrique, c'est un sujet de haute importance s'il vous plaît. Vous avez déjà vu le thème hein, de mon sujet que nous allons et dont j'ai invité tout le monde. Hein. J'ai invité les psychologues, ceux qui sont du corps médical, les initiés, quel que soit le milieu mystique ou spirituel dans lequel vous évoluez, vous êtes bien invités à intervenir. C'est un sujet très important et vous verrez que ce sujet, sur ce thème que je choisis, sous trois thèmes, je m'explique. Quand vous partez de la manipulation psychologique, vous verrez au cours de mon développement avec vous que la manipulation psychologique a un rapport avec l'état somatique. Et de l'état somatique, vous verrez que ça a également un rapport avec les magies égrégoriques, le phénomène des égrégores. Dans toute société mystique, hein, dans toute société religieuse, le phénomène des égrégores est très fréquent. Donc je vous prie, hein, invitez le maximum de personnes pour vraiment prendre un peu avantage de ces connaissances que j'aimerais partager avec vous et que sont des connaissances qui ont été prouvées, qui ont été éprouvées et en même temps prouvées scientifiquement. Personnellement, je les ai expérimentées. Et également, beaucoup d'autres personnes sûrement parmi vous ont expérimenté le même phénomène. Donc nous allons aborder ensemble, d'abord par la définition. Et partant de la définition, nous allons voir dans tous les plans que la manipulation psychologique, malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est-à-dire que dans tous les plans, les gens sont toujours victimes de manipulation psychologique. Que ce soit dans le plan familial, dans le plan du travail, dans le plan même des églises, disons dans le plan même associatif et dans le plan politique. Je vais vous amener très loin au XXe siècle. Je vous parlerai d'un certain Hitler, la technique qu'il utilisait pour effectivement avoir des millions de personnes et à cause de qui, je dis bien à cause de qui, aujourd'hui l'Allemagne, même s'il y a eu quelques fragmentations, mais a fait que les Allemands aujourd'hui ont un esprit très fort. Et cet esprit de toujours aller de l'avant, cet esprit de domination, c'est grâce à qui? À un certain Hitler. Un nom qui, malheureusement, n'est pas un nom de bonne mémoire. Mais les gens oublient une chose, c'est que ce Hitler avait effectivement utilisé la méthode ou la technique de la manipulation psychologique. Et également, le phénomène de somatisme, ou l'état somatique, nous en parlerons, et je vous amènerai dans le monde médical, dans le monde politique également, et dans le monde des arts mystiques, religieux et tout ça. Et enfin, le sujet qui va beaucoup prendre un peu plus de temps avec vous, car beaucoup d'entre vous, effectivement, j'essaie de voir sur la toile et sur tous les réseaux, les gens parlent en général, d'une manière générale, de phénomènes de religion, hein, les religions, les loges et toutes ces histoires-là. Et vous avez sûrement suivi, à chaque fois que je faisais mes interventions, je parlais toujours, j'ai toujours utilisé l'expression « tout ça, ce sont des égrégores des blancs ». Donc, nous allons donc dans le but du sujet, et je vais encore ici accorder une minute, voire deux minutes, à tous ceux qui ne sont pas encore entrés, de pouvoir prendre le temps ici de venir suivre ma modeste, comment dirais-je, contribution. Quand j'ai dit modeste contribution, je ne suis pas, comment dirais-je, je n'ai pas ce qu'on appelle ici, en bon français, je cherche l'expression. Bon, comment vous voulez, je ne détiens pas le... Il y a une expression qu'on utilise, pardonnez-moi, mais je ne détiens pas le monopole de la sagesse ou de la connaissance. Hein. J'utilise ici ma modeste participation ici, c'est juste pour pouvoir, après près de plus de 40 ans dans le monde spirituel, dans le monde mystique, ésotérique, théosophique, religieux, ce sera ma simple contribution. Et vous serez même surpris, je vous fais des révélations par rapport à certains... J'ai participé moi-même à la création de certains égrégores, et dont certains je regrette et d'autres j'en suis fier. Donc, invitez le maximum de personnes, je vous prie. C'est un sujet très très important. Amen, amen, amen. Ben, écoutez, chers compatriotes, merci. Votre humble serviteur, Moreau Nouvier. Notre sujet, normalement, c'est hier que nous devrions effectivement en parler. Mais vous comme moi, hein, nous étions tous concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire notre président de la République. Et c'est vraiment, comment dirais-je, c'était un événement assez important, pour ne pas dire très important pour tous les Gabonais. Et notamment, nous qui sommes de la diaspora ici, nous attendions avec beaucoup d'espoir, et pour ne pas dire, comment dirais-je, avec beaucoup d'attente, notre président, ben, malheureusement, il a été empêché. Bon, je ne veux pas parler de politique ici, mais c'est juste pour dire que nous tous nous sommes déçus parce que le président n'a pas pu. Merci, merci, merci Early, merci à vous pareillement Early. Merci beaucoup, merci. Je vous adresse mes meilleurs voeux à vous. Bon, à tous ceux dont je n'ai pas souhaité mes meilleurs voeux 2018, je profite par ce live, vous souhaiter à vous et à vos familles, bonne heureuse année et les meilleurs voeux pour 2018, santé, prospérité, réussite et surtout prise du pouvoir, car c'est ça l'objectif, qu'en 2018, notre président Ping soit mis là-bas au bord de mer. Et que nanti de toutes les connaissances que je partage avec vous, vous serez mieux armés pour pouvoir faire face aux agents des ténèbres, pour faire face aux manipulateurs de conscience, pour faire face à tout cela qui, de loin ou de près, vous embrigade dans des systèmes égrégoriques bizarres, c'est-à-dire dans des systèmes religieux et des loges tout à fait diaboliques. Donc c'est avec ça, c'est mon objectif que je me suis fixé pour 2018, et continuer toujours dans ce même sens, mais d'accélérer à une vitesse beaucoup plus supérieure en vous amenant des connaissances qui pourront tous nous aider, n'est-ce pas, à asseoir notre pouvoir, car les miasmes du bas astral, donc tous ces éléments qui ont travaillé avec le régime Bongo, n'est-ce pas, continueront toujours malgré le fait qu'ils vont être bientôt enlevés. Et pour ne pas y chasser, pour ne pas dire chasser, mais ils continueront toujours à utiliser ces techniques. Donc je vous remercie, chers compatriotes. Donc nous allons rentrer droit au but du sujet. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de trois sujets, et sous le même thème de, ces trois thèmes, en fait, vous verrez qu'il y a une corrélation. Merci beaucoup, merci beaucoup, oh, merci d'avoir fait des efforts de venir ici à ce live, Collier, merci beaucoup. Donc je disais, la manipulation psychologique, je vais vous donner la définition. Ensuite, vous verrez qu'il y a une relation, une corrélation entre la manipulation psychologique et l'état somatique. Qu'est-ce que c'est le somatisme? Je vous amènerai également dans une définition claire. Je vous amènerai pas dans des définitions livresques, pour ne pas dire que étymologiques complexes, mais je vous amènerai dans des définitions expérimentales, c'est-à-dire j'ai expérimenté cela. Donc les définitions que je veux vous donner, c'est par rapport à moi, ma propre expérimentation et aussi par rapport à l'expérimentation de certains patients ou de certaines personnes qui ont été victimes de ces techniques. Et ensuite, je vous amènerai dans ce qu'on appelle les égrégores. Vous avez bien remarqué sur le thème, j'ai mis égrégore avec S à la fin. Oui, effectivement, parce que égrégore, il y en a plusieurs. Il y a des égrégores dites religieuses, il y a des égrégores dites magiques, et il y a des égrégores dites même individuels. Donc nous allons parler de tout cela. J'ai pu quand même retrouver mon vieux document que j'avais écrit en 1979, lorsque j'avais effectivement fait un peu de recherche sur cette affaire des égrégores. Donc nous rentrons droit dans le but du sujet. La manipulation psychologique, en définition, qu'est-ce que c'est une manipulation psychologique ? Bon, si vous prenez votre dictionnaire, vous serez sûrement d'accord avec moi que la manipulation, le terme manipulation d'abord, c'est, en d'autres termes, c'est méthode, moyen ou action de manipuler intelligemment une personne ou un groupe donné, que ce soit religieux, que ce soit politique, mais en utilisant des moyens peu orthodoxes. Et nous allons donc... je suis vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi le son est entrecoupé, je ne sais pas trop. Bon, écoutez, je vais essayer de régler mon volume, hein. Moi je ne sais pas si c'est de mon côté. Est-ce que ça va mieux? Le son, vous le recevez bien maintenant? Parce que je crois qu'on a expérimenté même cela avec d'autres activistes là qui essayaient de faire des lives. Les sons étaient toujours entrecoupés. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, je demande à Tata Nzambe, et par la puissance de tous les génies et de nos ancêtres et de tous les archanges, les anges, les chérubins, et que merci beaucoup, Early, de confirmer que le son est bon. Donc, je demande une fois de plus encore ici le pouvoir mystique, le pouvoir de tous nos ancêtres, que tous les esprits puissent couvrir ce live et qu'il n'y ait aucune perturbation. Et je dis au revoir et je dis non à toutes. Hein? Merci beaucoup. Que je dis à toutes les forces occultes, je dis non à ces forces et qu'elles ne peuvent point avoir un pouvoir sur ce live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, d'accord, ok. Donc, revenons sur la manipulation psychologique. La manipulation, le terme manipulation, d'abord, on va essayer de séquer ou diviser les mots séparément. Manipulation, c'est la méthode, le moyen ou action de manipuler intelligemment une autre personne ou manipuler intelligemment un groupe donné, que ça peut être un groupe religieux, ça peut être un groupe politique, par des moyens peu orthodoxes. Et je vous parlerai de M. Hitler, ce monsieur qui a manipulé psychologiquement un certain nombre d'Allemands, des millions d'Allemands, et voire même des millions d'Européens. On en parlera de cela. Et donc, manipulation psychologique veut dire tout simplement, comme le mot psychologique venant de esprit, psychique ou psych, donc, veut dire que on vous manipule, on joue avec votre esprit, on joue avec votre âme, on joue avec tout ce qui est esprit en vous, en vue de pouvoir obtenir quelque chose par des moyens peu orthodoxes. Voyez-vous? Donc c'est ça qu'on appelle une manipulation psychologique. Donc, la personne qui vous fait ces manipulations est nantie d'une certaine connaissance. Il a des méthodes tout à fait peu, comme je disais dans la définition, peu orthodoxes. Donc, seul lui, c'est qu'il connaît ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il vous manipule psychologiquement par la méthode, de la manière suivante. Quand on parle de la manipulation psychologique, il joue avec votre subconscient. Parce que tout message qui est bien préparé au départ, avec une méthodologie bien faite, des mots bien sélectionnés, un son bien organisé, peut effectivement avoir une influence sur votre subconscient. Parce que quand on parle de l'hypnose théâtrale, l'hypnose de spectacle, où vous verrez ces gens soi-disant magiciens posent certains actes tels que enfoncer l'aiguille ou le couteau et que vous verrez que le sang ne sort pas, ben ils font ces mêmes techniques-là. On appelle ça la manipulation psychologique. C'est-à-dire, l'opérateur qui est devant vous va vous mettre dans un état tout à fait passif. L'état passif veut dire qu'il va réussir à vous endormir par des mots qu'il répète, et par ces mots que la personne répète, il joue donc avec votre subconscient. Le subconscient, comme vous le savez, qui est à l'arrière de notre tête, est peu manipulable par n'importe quel individu, à moins que vous ayez des connaissances psychologiques assez poussées. Voyez-vous? Donc, c'est ça la manipulation psychologique. Dans le plan familial, c'est très courant. Un homme qui peut user de ses capacités, connaissant ces méthodes-là, peut pouvoir tromper, par exemple, sa partenaire ou son épouse. La même chose, ça va chez les femmes également. C'est-à-dire que ces mecs utilisent les capacités de la manipulation psychologique pour pouvoir justifier les actions ou justifier ce qu'ils font. Donc, ils utilisent la manipulation psychologique. Ça, je vous ai parlé dans le plan familial. Et ça, nous le savons. Nos enfants, aujourd'hui, c'est la même chose. Ils vont user des langages, des mots bizarres pour vous embrigader les actions qu'ils posent. Nous voyons également dans le plan politique. Il a été prouvé que, dans le plan politique, c'est un moyen, la manipulation psychologique, et même il y a des séminaires qui sont donné auprès des membres de certains partis politiques de nos jours, où on leur apprend comment manipuler psychologiquement les foules. Voyez-vous, la rhétorique politique, par exemple, ça se prépare, on apprend ça. Il y a certaines écoles qui vous l'apprennent par correspondance, hein, ou encore sur place. Et pour ceux qui ont fait sciences politiques, vous verrez que au cours de vos études, on va vous amener dans ces initiations-là. Ça, c'est dans le plan politique. Et vous avez vu le cas de Hitler. Hitler utilisait la manipulation psychologique pour asseoir son pouvoir. Bon, naturellement, sa manipulation psychologique derrière cela, Monsieur Hitler, pour votre information, c'est quelqu'un qui était un grand mystique et qui se prenait pour une race supérieure. Il se prenait pour une race supérieure et il pensait qu'il pouvait contrôler le monde entier et il a fait passer ce message-là aux gens. Donc, il était expert dans la manipulation psychologique au niveau du Gabon. Nous avons également ce phénomène qui est très courant. De 1974 jusqu'à 1986, souvenez-vous, le PDG avait des spots éducatifs, utilisait la radio, la télé, le fameux livre vert, pour ceux qui ont vécu à cette époque. À chaque fois, il y avait souvent un spot qui passait, je m'en souviens, qui était animé par Alain Bongo à l'époque, qui est aujourd'hui Ali Bongo Ondimba. Alain Bongo et un certain, comment on l'appelle encore, Jimmy Ondo, n'est-ce pas, avait cette chanson qui disait « Bongo l'a dit dans son petit livre vert, ohé, ohé », ainsi de suite. Ceux qui étaient de cette époque peuvent bien ici me donner raison. Effectivement, la manipulation donc psychologique dans ce plan s'est passée comment? Eh bien, on imposait tout le monde à rentrer dans le PDG par des slogans, et ces slogans étaient, n'est-ce pas, des messages bien sélectionnés qui devaient toucher tous les milieux sociaux, tous les foyers gabonais, donc, et ceci également accompagné de la musique. Hein, donc tous les moyens étaient mis à la disposition de ces derniers afin de manipuler psychologiquement les Gabonais. Bon, maintenant, dans le plan religieux, c'est la même procédure qui est utilisée. Vous prendrez dans le cas de guérison, le cas, comment dirais-je, des miracles que vous verrez, les gens qui rentrent en transe et toutes ces histoires que vous constatez dans les églises, voyez? Alors, comment ça se passe? Bon, le pasteur, donc, connaissant des versets bibliques bien clés, peut naturellement, au cours de sa prêche, hein, ou au cours de son sermon, il sélectionne certains versets bibliques, lesquels versets bibliques ont un trait direct pour pouvoir toucher les cœurs des gens, pour pouvoir créer certaines émotions, pour pouvoir créer certains états comment émotionnels auprès, comment dirais-je, des adeptes de cette église. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que vous prendrez le cas de Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, que tous ceux qui croiront, comment dirais-je, tout ce que vous demanderez à Dieu vous sera toujours accordé. Vous prendrez également des versets du psaume 37, verset 25, que, n'est-ce pas, je ne sais pas si le verset 37, je sais plus trop, où il est écrit que tout ce qui. J'ai grandi, j'ai vieilli, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli, c'est le David, bien sûr. Je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, n'est-ce pas, à lui-même, ni voir sa descendance quémander du pain. Donc le pasteur va prendre ce verset pour stimuler votre foi, pour stimuler votre esprit, pour vous dire qu'il faut croire à cela. Même si à l'heure où vous êtes présentement, vous êtes pauvre, à l'état pauvre complètement. Donc on vient vous pomper ce message-là, hein, vous dire non, non, non, non, non, hein, il faut croire. Bon, maintenant, le pasteur prie sur vous. Vous vous êtes bien convaincu que, bah, écoutez, moi je traîne ma maladie, ça fait combien de temps, moi je sais pas. Ou bien, je cherchais le travail par tous les voies et moyens, j'ai envoyé les résumés, ça et là, mais le pasteur vient me faire croire que moi je vais gagner. Bon, moi je sais pas moi. Donc voilà, le pasteur donc qui va vous convaincre, à un moment donné, je sais pas si vous avez fait cette expérience, ou vous partez dans les églises. Il y a certains qui me suivent là, qui viennent à peine de sortir de l'église. Le pasteur va vous dire, non, non, non, non, il faut croire, il faut croire. Hein? Ah, mais pasteur, j'ai essayé, non, mais c'est votre foi, mon Dieu, c'est votre foi. Bon, allons-y dans la Bible. Qu'est-ce que la foi, selon la définition de la Bible? La Bible nous dit que la foi, c'est la ferme attente des choses que l'on espère, des choses que l'on ne voit pas, mais dont nous avons espoir que ça va se matérialiser, mais que c'est dans notre tête. C'est ça la définition de la foi. C'est la substance des choses. Substance veut dire quoi? Vous créez vous-même certaines attentes dans votre mental, Et vous criez ça? Bon, maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, le pasteur n'explique pas, ou le prêtre n'explique pas à son adepte que non, la foi, ça se développe. La foi n'est pas forcément un don. Parce que certains disent, oui, la foi, c'est un don. Bah, écoutez, comment c'est un don? Il y a des gens qui partent de l'état d'athée, qui ne croient en rien, mais quelques temps plus tard, ils finissent par croire en Dieu. Vous allez me dire donc, ce type qui est athée, si la foi est un don, alors pourquoi alors il ne manifeste pas cette foi? Donc la foi, elle se développe. Elle se développe à partir de cet exemple. D'ailleurs, le verset, comment dirais-je, à partir du verset 9 du même livre de la Bible qu'on appelle Hébreu, développe. À partir du verset 9, on donne les exemples d'Abraham, on donne les exemples de Moïse, que c'était par la foi qu'Abraham, malgré son âge avancé, a fini par accepter que non, il va toujours faire un enfant à l'âge de 100 ans. Alors, voyez-vous donc, la Bible est un document, que les religieux me pardonnent ici, mais je parle de manière scientifique. Moi-même, je crois également en Tatan Zambé, mais admettons-le, essayons d'élever le débat dans un plan beaucoup plus spirituellement, dans un plan beaucoup plus intellectuel. Vous serez d'accord avec moi que la manipulation psychologique au sein des églises, elle est faite de manière tout à fait notoire et de manière exagérée. On va parfois jusqu'à vous faire lire certains versets. Je prends l'exemple sur les dîmes. Bon, le frère ou la sœur a ses problèmes financiers. Vous venez lui dire non, il faut offrir tout ce que vous avez. Bon, là, je parle dans le cas des offrandes. Non, mon frère, il faut donner. Bon, je suis d'accord. La chérie qui vient de dire la foi déplace les montagnes. Mais cette foi qui déplace les montagnes, elle se développe une fois de plus. Vous ne pouvez pas, au-delà du jour au lendemain, comme ça, venir avec une foi qui déplace les montagnes. Donc, cet exemple, dans le plan religieux, la manipulation psychologique, elle est utilisée. Elle est tout à fait notoire. On va vous gifler, on va vous faire croire des choses, on va faire brouter l'herbe. Vous verrez dans les machins. Suivez les vidéos, mon Dieu, suivez sur les médias. On montre des pasteurs qui se mettent avec de belles chaussures, marcher sur les dos des gens. On voit des pasteurs qui vont jusqu'à les manipuler physiquement certains de leurs fidèles, surtout les femmes. Leur faire croire que c'est en touchant certaines parties intimes que Dieu va manifester son pouvoir. Ça, ces femmes qui sont soumises dans ce genre de pratiques-là, vous pensez que c'est quoi? Mais c'est la manipulation psychologique, pure et simple. Vous appelez ça comment? Voilà le nom qu'on donne. Donc, nous allons fermer un peu le chapitre donc, sur la manipulation psychologique, mais nous en reviendrons dans des détails beaucoup plus profonds quand on parlera de phénomènes égrégoriques. Nous passons maintenant dans ce qu'on appelle le somatisme. Le somatisme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot, mais en psychologie, puisque je fais psychologie, et ce sont les études que je fais, et par rapport au travail que je fais, le somatisme, en fait, c'est un état, ou c'est une croyance qui, en fait, la plupart des gens croient que toute lésion physique ou tout problème physique proviendrait de l'état émotionnel ou mental de l'individu. Je me répète. Le somatisme, c'est quoi? C'est en définition la croyance selon laquelle toute lésion physique, en d'autres termes, tout problème physique serait relié ou serait lié à notre état émotionnel et mental. Ok? Vous avez sûrement entendu parler, pour ceux qui ont fait qu'on appelle ça, pour ceux qui ont fait psychosexologie. Comme moi, j'ai un certificat sur ça. En psychosexologie, ça veut dire quoi? La psychosexualité, on vous apprend que, par exemple, l'impuissance, souvent, 90% des hommes qui sont impuissants, c'est un phénomène psychosomatique. Ça veut dire quoi? Psychosomatique. Bon, ça veut dire que, de la tête, si vous vous programmez vous-même, d'abord, individuellement, si vous vous dites que, ah, là, quand j'aurai 60 ans, ou bien quand j'aurai 70 ans, quand j'aurai 60 ou 70 ans, alors sexuellement, je serai plus capable de mieux satisfaire mon épouse. Donc, vous vous prédisposez psychologiquement à cet état de fait, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Physiquement, vous serez atteint. Voyez-vous, c'est pour cela beaucoup de gens, dans la plupart des cas, surtout en Afrique, mais je vous en prie, surtout en Afrique, on croit tellement à des choses qui font en sorte qu'on se retrouve dans un état somatique. Je vous donne un autre exemple. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, puisque la Bible reconnaît ce qu'on appelle la malédiction. Vous verrez que dans certaines familles, on vous dira, ah, il y a un mauvais sort qui a été lancé dans cette famille. On a dit que si vous ne faites pas ceci, ou bien si vous passez par là, en tout cas, c'est fini, vous aurez ceci ou cela. Mais dès lors que vous avez accepté, psychologiquement, vous mettre dans cet état, dans cette disposition, vous avez ouvert votre esprit par rapport à cette croyance, mais qu'est-ce qui va se passer? Répondez-moi à la question, qu'est-ce qui se passera? Mais finalement, vous êtes aussi pris à la maçon. Comme le disait un certain philosophe du nom de Pythagore, qui a dit que à tout état de conscience égale à tout état de vie. Donc, en fait, vous devenez ce que vous dites. Vous devenez ce que vous pensez. En fait, vous vous programmez vous-même à être ce que vous voulez. Moi, je vous donne un exemple. Je connais beaucoup d'autres exemples que je peux vous prendre. Bon, je prends l'exemple de M. Barack Obama, celui qui fut le 44e président des États-Unis. Vous savez-vous que ce monsieur, depuis l'âge de 5 ans, dans sa tête, il disait qu'il va être président. Et il a grandi avec cette mentalité. Et de cette mentalité-là, il a poursuivi le même chemin que son père. Il a fait des études sur les sciences politiques. Il a fait beaucoup de choses. Et à la suite de cela, il a écrit un livre qu'on appelle « Dioda ». On appelle ça le pouvoir de l'audacité, quelque chose comme ça. Hein? Donc, par rapport à cet exemple, c'est pour vous dire que il y a des gens, vous-même, vous êtes, comment dirais-je, l'entrée et la sortie de vous-même. En d'autres termes, si vous êtes embranché dans ces croyances, on vous dira que non, si vous faites ceci, vous allez être maudit. Ou bien dans la famille, il y a ceci, ça maudit toute la famille. Vous branchez inconsciemment. Vous vous branchez inconsciemment dans cette croyance. Et par conséquent, tout ce qui vous arrivera est somatique. J'ai pris encore l'exemple pour revenir sur ça, le cas de l'impuissance. Si vous croyez que parce que le docteur vous a dit, ben écoutez, parce que vous faites ceci, cela. Moi, je vous donne un exemple. Bon, parce qu'on appelle ça le BMI ici. Hein? BMI, c'est en fonction de votre taille. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ici, on appelle le BMI. Le body mass et tout ça. Donc, quand vous partez voir le médecin, vous faites vérifier votre poids. Mon cas, j'ai 5'11". Je crois que c'est l'équivalent de 178 cm. C'est ma taille. 178 cm de la taille correspond normalement à un poids moyen de 70 kg. Or, en ce moment, je fais 88. Alors, pourquoi je fais 88? Mais c'est parce que je suis dans les arts martiaux, je fais beaucoup du poids, et pourtant je suis végétarien, je ne mange pas de viande, moi. Mais le médecin, je suis allé là, la dernière fois, il me dit, oh, monsieur, je viens, mais vous prenez du poids. Mais j'ai dit, mais c'est normal. Est-ce que vous avez trouvé de la graisse, du fat? Il dit, non, mais... J'ai dit, mais vous voulez que je fasse quoi? C'est le volume de mon muscle. Je le développe tous les jours. Je vais à la gym, je fais au moins 2 heures de gym chaque jour. Allié à cela, les arts martiaux, allié à cela, le yoga et tout. Vous pensez que mon corps va être dans quel état? Donc c'est tout à fait normal. Je gagne donc du muscle. Ce muscle n'est pas forcément de l'eau ou des graisses à l'intérieur. Mais c'est seulement le muscle qui y est. Et je suis un certain régime alimentaire. Je ne mange pas de viande, donc je mange beaucoup de protéines, j'ai beaucoup de vitamines, je prends des suppléments de différentes vitamines et tout ça qui sont biologiques, tout un tas de choses qui font en sorte que mon corps soit à l'état où je suis. Bon, maintenant, il est allé vérifier si j'ai un problème de cholestérol et tout ça, il a vérifié, il n'y a rien. J'ai dit, alors comment expliquez-vous cela? Vous me demandez moi de perdre le poids. Donc, maintenant, j'ai changé mon régime, donc, au niveau de la gym. Qu'est-ce que je fais? Je travaille beaucoup plus au maintien et à la cassure de mes muscles. C'est-à-dire, je suis obligé de rendre mon corps beaucoup plus sec. Alors, j'ai fait cela, ça fait 2 mois. Mon corps devient de plus en plus sec, mais le poids reste le même. Alors, je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a dit, mais vous êtes un cas. J'ai dit non. C'est pour vous dire qu'on peut, dans ce cas de figure, pour ne pas être hors du sujet, toute lésion physique, tout ce qui vous atteint dans le plan physique, c'est vous-même qui le provoquez. C'est vous-même qui croyez en cela. Donc, le somatisme, ce n'est que simplement la croyance qui consiste à dire que tout ce que j'ai dans le plan physique vient de l'ambiance mentale ou psychologique. Et surtout, les médecins vous diront la même chose. Mais non, non, non, non, ça c'est une maladie imaginaire. Mais docteur, j'ai bien mal ici. J'ai mal ici. Et pourtant, vous êtes bien convaincu que vous avez le mal. Le médecin va faire tout, on vous envoie faire des examens, on ne voit rien. Ah, voilà donc maintenant... Le sorcier profite, ou encore l'onganga ou le guérisseur, donc, dans cet état de situation, profite à son titre de dire, ah, vous avez vu, moi je vous ai dit que c'est votre oncle qui vous mange, c'est votre grand-père qui vous mange, venez me voir. Et voilà, vous partez chez l'onganga qui va faire ses simulacres, il va faire tous ces zigzags qu'il va faire, et puis vous vous branchez dans ce qu'il va vous dire. Parce que lui aussi, il va utiliser ce qu'on appelle la manipulation psychologique. Au cours de sa consultation, il va vous dire, vous avez vu, le médecin, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Non. Alors, je vous ai dit quoi? Hein? On vous dit que vous croire à ce qu'on vous dit au village, vous ne voulez pas comprendre. Mais c'est ta tante, tu ne voyais pas. Mais en plus, ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Il a des gens qui lui renseignent. Le temps qu'il vous demande d'aller voir, d'aller prendre rendez-vous avec lui dans une semaine ou dans deux semaines, mais il se renseigne au sein de la famille. Oh, mais est-ce qu'il s'entendait avec sa tante? Non. Oh, mais est-ce qu'il s'entendait avec son grand-père là? Non. Ah, bon. Donc, il prend ses éléments. Écoutez, n'allez pas me dire ici que je doute de la véracité spirituelle de certains de nos frères spiritualistes ou qui croient à nos croyances de chez nous. Je ne l'ai pas dit du tout. Mais malheureusement, il y a parmi eux aussi des macros. Donc c'est comme ça. Donc l'état somatique dans lequel vous vous trouvez fait en sorte que vous avez créé vous-même ce que nous appelons en médecine une maladie imaginaire. Donc c'est vous seul, à vous seul pour guérir. Ça c'est scientifiquement prouvé. Vous devez donc changer votre procédure. Par ce que nous appelons en psychologie des affirmations psychologiques. Une affirmation psychologique, c'est quoi? C'est un état de fait où vous faites vous vous isolez vous-même, vous faites un travail dans vous-même et en vous-même, où vous répétez, par exemple, des phrases de réparation de vous-même. Je suis parfait, il n'existe aucune maladie à moi, les cellules de mon corps sont complètement réparées, les cellules de mon corps sont parfaites, je vois une lumière de guérison qui descend à moi, je vois ceci, cela. Donc vous faites votre propre travail de réparation, puisque le médecin vous a dit non, il ne voit rien du tout, mais vous continuez à vous plaindre, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai ici là, oh ça ne va pas, oh c'est ça, ça arrive surtout aux gens qui sont sensibles à tout événement, à tout moment événementiel dans leur vie, à tout événement, c'est fini, ils paniquent, il faut éviter ça. Vous allez créer des ouvertures, des choses dans vous-même. Mais qui crée cela? C'est vous-même. Vous vous ouvrez vous-même et vous prédisposez à ces maladies imaginaires. Donc, le nganga ou le mec qui sait maîtriser les feuilles de la brousse, certes, il peut faire son travail, mais il y a certains qui sont des faux. Hein? Puisque je suis dans le boutique, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai observé. Il y a certains qui sont des faux qui vont vous dire, oh, mais moi, qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Ta tante, hein, de son vivant. Ta tante là, ou bien même elle est là-bas en France. Est-ce que vous entendez? Non. Là, on parle de quoi? Manipulation psychologique. Ton grand-père là, en 1990 là, ce qui s'était passé entre vous deux, vous étiez même battus. Tout. Mais c'est logique si on se bat qu'il n'y a pas eu réconciliation. Bon, il y aura cette situation de, oh écoute, moi je ne veux plus entendre parler de ce mec, même s'il ne vous a rien fait. Voyez-vous? Donc, ces manipulateurs psychologiques vont profiter de cet état de choses pour pouvoir vous faire croire que la maladie dont le médecin n'a pas vu, dont les tests ont été faits, qui est négatif, rien ne montre, rien, il n'y a rien dedans, c'est votre oncle ou votre tante qui vous mange. Voilà, il va vous dire pour la facture. Allez, vous me donnez, bon, comme c'est vous, hein. On ne dit jamais la vérité, comme c'est vous, mais ça veut dire quoi? Quel est ce langage de comme c'est vous? Bon, mais comme c'est toi là, bon, moi, et puis on se connaît, bon, c'est mon ami qui m'a introduit à vous là, déposer 750 000 francs CFA. Vous tapez les mains sur la tête, tu vois. Je gagne 180 000 francs, pauvre fonctionnaire. Mais je vais trouver 750 000 francs. Mais non, c'est pas un problème, je comprends. Mais écoutez, vous pouvez faire des paiements sommaires. Donc, vous allez payer petit à petit. Mais en temps, vous restez ici. Vous êtes obligé de rester ici dans mon bandia jusqu'à ce que la guérison s'en suivra et que vous aurez le résultat escompté. Voyez-vous? Manipulation psychologique. Donc, nous allons quitter dans cet état de choses. En fait, je vais même vous dire un exemple. Les compagnies pharmaceutiques, parlant justement de l'étape somatique et des manipulations psychologiques, j'ai un exemple que je vais partager avec vous. Ceux qui sont ici aux États-Unis ont sûrement suivi un documentaire qui a été fait par ABC. C'est une chaîne de télévision américaine. Le titre était beaucoup plus basé sur l'escroquerie des Chinois vis-à-vis des Américains, voire du monde entier. Alors, parlant justement de tout état, ce qu'on dit à tout état d'esprit égal à d'esprit égal à tout état physique, eh ben les Chinois ont réussi. Vous verrez même online, éviter pour les gens qui veulent dépendre des anabolisants là. Moi, je crois pas aux anabolisants. Je les utilise pas du tout. Si je veux améliorer mon cerveau, je veux améliorer ma vie sexuelle ou quoi, je me base sur un régime alimentaire dont je connais les composantes. En tant que Nganga, je connais les feuilles, les plantes ou les aliments qui conviennent à mon organisme afin de me permettre l'adrénaline d'aller à une vitesse supérieure. C'est tout, c'est clair. Bon, mais écoutez, les Chinois ont donc fait ce qu'on appelle l'imitation du Viagra. Ils ont réussi à fabriquer le Viagra et ce Viagra, ils le vendaient en ligne 2 à 3, voire 5 dollars un comprimé. Pour votre information, je ne consomme pas le Viagra. Moi, je discute avec des gens que je fais des traitements somatiques, là, psychosomatiques. C'est-à-dire, je fais des guérisons spirituelles pour eux qui, beaucoup, sont tombés dans ce piège parce qu'ils en avaient marre d'aller voir les médecins. Et vous savez, le vrai Viagra original coûte 100 dollars le comprimé. S'il vous plaît, pour ceux qui doutent, vous pouvez vérifier. Ceux qui sont en France, allez-y vous consulter. Le vrai Viagra fabriqué par Pfizer, le grand pharmacien qui fabrique ce comprimé-là, avec tous les ingrédients naturels, ce comprimé, un seul comprimé peut aller jusqu'à 100 dollars, l'équivalent de 50 000 francs CFA, un comprimé. Mais maintenant, comme il y a des gens qui sont tellement esclaves de ces, moi je les appelle les anabolisants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans un comprimé, au point d'annihiler l'effet de leur volonté dans tous les cinq sens de leur corps, car dépendant de tous ces anabolisants, dépendant des comprimés, dépendant de ceci et de cela, ils ont donc fait ce qu'on appelle un craquage de leur volonté, un craquage de leur esprit. Donc leur esprit ne peut plus fonctionner sans ces éléments extérieurs qui viennent en fait empoisonner votre corps. Alors, à ceux-là, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que le comprimé coûte trop cher chez le médecin. Alors, online, vous verrez Cialis, vous verrez Viagra, vous verrez beaucoup là. On les vend 5 dollars, 2 dollars. Alors, le documentaire ajoute que ces Chinois, donc, ont ces réseaux bien implantés. Ils ont donc leur website, donc le site internet dans lequel vous commandez ces comprimés-là. Alors, ils ont commandé, beaucoup ont commandé ces comprimés. Au lieu de se poser la question, mais mon Dieu, le vrai là coûte 100 dollars, un seul. Donc, 50 000 francs, c'est pas un seul. Mais comment on va me vendre un qui coûte l'équivalent de 250 francs CFA ou bien 500 francs CFA? Rien, ils ne se posent pas de questions. Parce que psychologiquement, ils veulent satisfaire leur libido, ils sont contents de pouvoir satisfaire les mille et une maîtresses qu'ils ont à gauche, à droite, ils se précipitent et ils commandent ces comprimés-là. Voilà comment ABC nous a dit que lorsqu'ils ont maintenant examiné de près les contenants, les ingrédients qui sont dans ce fameux comprimé chinois, le Viagra chinois, mes frères et sœurs, c'était tout un scandale. On a découvert que, à l'intérieur de ce Viagra, c'était de l'usure de bois. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne expression. C'est-à-dire, les résidus de bois. Les résidus de bois, s'il vous plaît. Ceux qui font construction des maisons, vous savez de quoi je parle. Ces mêmes résidus ici en Europe, puisqu'ils n'ont pas le bois, en Europe, aux États-Unis, c'est pas comme chez nous au Gabon. Au Gabon, on utilise le vrai bois pour fabriquer nos tables. Mais ces résidus, vous verrez que, c'est un grand marché. Pour ceux qui sont au Gabon, ceux qui ont les ateliers là de menuiserie, vous verrez que les usures de bois que vous avez, que vous gaspillez n'importe comment là, s'il vous plaît, cherchez. Il y a des grandes compagnies ici aux États-Unis et en Europe qui cherchent à acheter ces usures de bois là. Vous voyez de quoi je parle? C'est l'usure du bois. Donc, quand vous faites la scie et tout, ce qui devient comme de la poudre. Et c'est ça là donc que nos amis chinois, dans un soubassement, c'est-à-dire une maison en sous-sol, ils étaient en train de transformer cette usure-là en comprimé. Oui, bien empaqueté, bien fait, et ils ont bleui, ils ont mis ça en bleu. Donc, ils ont réussi à utiliser des composantes, de la matière bleue autour de ça, et en forme du vrai Viagra. Je vais vous dire la relation donc somatique, manipulation psychologique et croyance aiguë. Qu'est-ce que ça veut dire? La croyance aiguë, c'est une très forte croyance en fait qui vient de vous-même. Vous avez tellement confiance en quelque chose que ce que vous croyez se matérialise et le miracle se passe. La même chose quand vous croyez à ce que le pasteur vous dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, moi je te dis tu es guéri, Jésus a fait marcher les gens, Jésus a marché sur les eaux, Jésus a fait. Mais vous êtes tellement imbibé de ces déclarations qu'à un moment donné, ça vous met dans un état transique et le miracle se produit. Donc c'est la même chose pour ces consommateurs de Viagra. Quand ils ont reçu, oui, la sciure de bois, c'est exactement ça. Quand ils ont donc consommé cette sciure de bois, donc le Viagra en forme de sciure de bois, online, vous voyez quoi? Ils ont eu les mêmes résultats qu'ils avaient avec le vrai Viagra original. Vous allez me dire, mais comment une sciure de bois va donc guérir quelqu'un, lui permettre la force de bander? Mais c'est tout simple. C'est ce que je viens de vous dire. Que à tout état de conscience égale à tout état de vie. Tout ce qu'on vous fait croire, fera de vous ce que vous voulez être. Hein? Ils ont cru tellement au vrai Viagra qu'ils utilisaient, mais tellement ça coûtait cher. L'effet donc somatique dans le plan physique reste le même. L'effet psychologique escompté reste le même. Le résultat donc escompté reste le même. Mais ces résultats escomptés restent le même par rapport à qui? Mais c'est par rapport à vous, à votre esprit, à l'ouverture de votre esprit. Parce que votre esprit, c'est l'entrée de votre temple, c'est l'entrée en vous. Voyez-vous? Donc ces mecs-là ont consommé le fameux comprimé. Mais c'était tellement amusant que quand ABC a parlé de ça, ils ont dit non, mais il y a toujours des millions de gens qui achètent. Parce que ils ont constaté que les résultats sont les mêmes. Pourquoi? Ben, nous, en tant que psychologues, on a essayé de chercher et analyser, on s'est rendu compte que c'est dans la tête. Tout se joue dans votre tête, s'il vous plaît. Que ce soit quelqu'un qui vous manipule, s'il vous arrive quelque chose, c'est vous-même qui l'acceptez. Quelqu'un qui vous manipule, vous-même, vous pouvez refuser sa manipulation. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, quelque part dans la Bible, dit: vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Il voulait dire par là que le temple, vous allez crier alléluia à gauche, à droite. Ce n'est pas ça. C'est lui-même. Vous voulez me dire qu'il est contradictoire? Non, il n'est pas contradictoire. Hein? Bon, non, maman, je vous dis que ce soit un bois stimulant pas. Ça n'a rien à voir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce n'était pas un bois stimulant. Ça a été prouvé que c'est les sciures de bois, de n'importe quel bois. Ils ont pris ça à gauche, à droite. C'est un problème, comme je disais plus chéri, c'est un problème psychologique. La même chose, lorsque vous êtes devant le médecin, moi je vois ça tout le temps, quand les médecins viennent, les malades viennent se faire consulter. Oh yo, j'ai ceci, j'ai cela. Mais on a tenté tous les comprimés, ça ne marche pas. Bon, maintenant, puisque je vous dis, le corps médical, là, hein, personne ne me dira le contraire. Si parmi vous, là, parmi vous, les infirmiers, les médecins, tous les membres du corps médical, vous recevez une formation, enfin, nous recevons une formation intense sur la manipulation psychologique. Surtout les médecins et les psychologues, on nous donne cette formation-là. Comment on peut manipuler psychologiquement les gens? Vous voulez que je vous dise quoi? C'est la vérité. Donc, ça n'a rien à voir avec un bois stimulant qu'ils auraient utilisé. Non, c'est un problème plutôt d'ouverture de l'esprit. C'est tout. Le comprimé, je vous donne un exemple. Le médecin vient vous voir. Oh docteur, ça ne va pas. Le médicament que vous m'avez donné là, vraiment, je ne sais pas. Ou bien surtout si la personne a des informations que non. Le fait de trop consommer la Nivacaine, oh ça donne les maux de ventre, oh ça fait ceci, cela, oh non, ça me fait mal au ventre. Vous avez donc un refoulement naturel par rapport aux ingrédients ou le contenant de votre comprimé. Voyez-vous? Donc, le fait que vous... Non, ce n'est pas le bois bandé, pardon, laissez ça, les Chinois ils connaissent pas ces histoires. Le bois bandé, on ne trouve ça que chez nous au Gabon là-bas. On appelle ça comment encore le... Bon, le nom va me revenir. Hein. Il y a le Rabbi, il y a un autre nom là, le Satan Bouanda, voilà, le Satan Bouanda. Donc, laissez-moi l'histoire des bois bandés. Les Chinois ne connaissent pas ces histoires-là. Bon, c'est vrai qu'il y a le truc, la poudre de la corde de oh mon Dieu, le mot maintenant m'échappe en français. Rhino. Quelqu'un qui m'aide ici. Le rhino. Le rhinocéros. Voilà, rhinocéros, l'éléphant de l'eau. Vous savez que les défenses des rhinocéros là, les Chinois, à un moment, faisaient trop la chasse à ça parce que, effectivement, ils fabriquaient un produit aphrodisiaque à base de cela. Ça coûtait très cher, hein, ça ne coûte pas $5. Ils vendent juste, voilà, le rhinocéros, merci beaucoup. Donc, les cornes de rhinocéros, là, plus la queue de la panthère, ça, c'est chez nous, là-bas, dans le Guévindo. Ça, on connaît le pouvoir de la queue de la panthère. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques. Mais c'est juste pour vous dire que quand le médecin, ça, on nous a appris ça. Dans les écoles de médecine, on nous l'apprend. En psychologie, on nous a appris ça. Que la manipulation psychologique reste le seul dernier recours pour pouvoir convaincre un patient afin d'accepter ce que vous lui donnez. Je répète. La manipulation psychologique reste le seul recours épatant et très efficient pour tout patient qui se rebelle à tout ce qu'on lui propose ou quoi que ce soit. Et c'est ça. Donc, il faut le convaincre. Et pour le convaincre, vous êtes obligé de faire des manipulations psychologiques. Pour ceux qui n'étaient pas au début, je vous ai dit, la manipulation psychologique, c'est quoi? C'est les moyens ou la technique qui consiste à manipuler ou à pouvoir, utiliser votre esprit, à vous faire croire quelque chose dont vous n'êtes pas forcément convaincu de la chose. Mais il suffit de vous endormir. Et pour vous endormir, on passe par votre subconscient. Car le subconscient, c'est la voie et le canal par lequel tout bon manipulateur, tout bon psychologue, tout bon psychiatre, tout bon, je vous dis, tout bon magicien peut facilement vous atteindre. C'est par votre subconscient. Mais dès lors que votre subconscient devient sensible à la déclaration du conscient de l'un, alors votre conscient reste soumis aux caprices du subconscient. Parce que le subconscient, à force de tellement recevoir des messages trop reprononcé, trop programmé, trop fort selon la programmation du technicien, tellement il est très fort dans sa manipulation. Je vous donne l'exemple de Hitler. Il dit son message, il persiste et il a bien sélectionné des mots très puissants et trop forts qui vont créer ce qu'on appelle une surexcitation au niveau de votre subconscient. Alors votre subconscient étant un centre très sensible à tout message extérieur, n'a pas de choix, n'a d'autre choix que de relâcher automatiquement la demande au niveau de votre conscient. Et c'est là où on assiste au phénomène des miracles, au phénomène de prise de conscience immédiate, au phénomène des trans, au phénomène de toutes sortes de paniques et au phénomène d'accepter les poulets, les cuisses de poulet données par Ali Bongo, les cuisses de poulet données par les politiciens. Pourquoi? Parce que derrière le message que le politicien vous balance, il y a ce qu'on appelle une manipulation psychologique qui consiste à frapper très fort dans votre subconscient. Le col, d'abord, votre conscient à l'état normal vit dans un état de pauvreté, vit dans un état de manque. Par exemple, le cas du Gabon, les Gabonais souffrent, il n'y a pas le travail, il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas ceci ou cela. Alors, quand le politicien manipulateur de conscience arrive, il vous fait il vous dépose le carton des cuisses de poulet, il vous dépose les casiers de bière, il vous dépose tout ce qu'il va vous déposer. Qu'est-ce qui va se passer? Il réussit par là à vous manipuler psychologiquement, car votre conscience est complètement dominée par les apparences environnantes, directes et indirectes. C'est pour cela qu'on vous apprend à vous initier. C'est pour cela qu'on vous demande d'être fort de votre conscience, de contrôler votre conscience. Et pour contrôler votre conscience, il faut savoir dire non à toute manipulation psychologique. Mais quelles que soient les conditions X ou Y, vous ne devez pas accepter. Mais dès lors que l'environnement direct ou indirect a un impact dans votre vie de tous les jours, donc votre conscient, le conscient c'est qui? C'est vous, c'est moi qui parle, que vous voyez, c'est ça le conscient. Donc l'opérateur, c'est-à-dire le manipulateur conscient, le manipulateur psychologique qui est le politicien, le religieux ou le prêtre ou le magicien ou qui que ce soit, il connaît très bien ce qu'il fait. Il va donc manipuler votre subconscient. Et le subconscient, je vous dis, dans la division, spirituelle, quand vous allez étudier la cosmogonie humaine ou la cosmologie humaine, quand on va vous apprendre dans l'initiation, l'homme est divisé en trois. Et dans cette triplicité, on vous donne les différentes étapes, les différentes formations qu'il faut suivre. Dans le plan physique, c'est pour cela tout initié, tout homme qui est dans les histoires des arts magiques ou dans les loges, un vrai, comme Bernard Lancelot que j'ai connu, qui m'a initié dans l'hypnose du spectacle, comment hypnotiser les gens, les endormir et tout ça. Ce monsieur est connu en France, Bernard Lancelot. Aujourd'hui, il est le président d'un groupement qu'on appelle encore comment Alpha International. Hein? Ce type était dans les arts martiaux. Le point que je voulais dire, c'est quoi? Voilà pourquoi il est recommandé, quand vous êtes dans les arts mystiques, dans les arts spirituels, vous vous initiez. Il faut également vous initier dans la formation de votre corps physique, faire des arts martiaux. Par exemple, le karaté, le kung-fu, l'aïkido, quoi que ce soit, ou le yoga, ça permet votre corps physique d'être également formé. Et ensuite, vous passez dans la formation astrale. Dans votre corps astral, vous devez également apprendre comment sortir en vampire et vous déplacer dans l'espace et le temps en prenant certaines connaissances ésotériques. Comment former votre âme? Qu'est-ce que vous devez consommer? Voilà pourquoi, en tant que frère initié, moi, ça, c'est mon avis à moi. C'est pas tous. Il y a ceux qui continuent à manger les viandes. Mais moi, je mange pas de viande. Et je n'accepte pas cela. Et je ne crois pas en cela. Devenez végétarien. Quand vous devenez végétarien, vous verrez votre travail évoluer de manière beaucoup plus rapide. Bref, pardonnez-moi. J'étais un peu emporté. Donc, c'est pour vous dire, même les médecins le font. Le médecin vous fait monter le comprimé comme ça. Voilà, vous avez tout tenté, la nivaquine, ça n'a pas marché, si, cela. Voilà, je vous présente, prenez ce comprimé. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez dans une disposition psychologique. Vous vous mettez dans un état d'acceptance. Vous l'acceptez. Mais dès lors que vous l'acceptez, vous ouvrez votre esprit. Vous ouvrez toutes les cellules de votre corps. Vous ouvrez votre moi. Et dès lors que vous l'ouvrez, vous acceptez. Et l'effet escompté va être immédiat. Parce que le médecin va vous convaincre, bon écoutez, vous avez essayé la nivaquine, vous avez essayé la kropotkine, vous avez essayé ceci, mais ce comprimé est le dernier comprimé qui a été mis en place. Un comprimé qui est capable de créer tous les miracles. Un comprimé qui est capable de vous faire marcher. Ce comprimé est capable de vous permettre de bander, pardonnez-moi, de vous permettre de faire ceci, cela. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous croyez automatiquement, surtout si vous êtes plein de désespoir. Donc, les médecins, les psychologues, les experts en toute science avancée reçoivent la formation sur la manipulation psychologique. Là, j'en ai terminé sur ce sujet. Allons-y maintenant dans les égrégores. Parce que ce sujet encore va nous prendre une demi-heure. Qu'est-ce que c'est l'égrégore? Merci beaucoup. Donc, je constate que... je suis en train de lire les commentaires. Donc, je constate que pour le moment, il n'y a pas une opposition à ce que j'ai dit. C'est que vous êtes tous d'accord. Vous avez tous dit, bah, c'est. Merci beaucoup. J'apprécie cela. Nous allons donc passer au troisième. Vous, inconsciemment, j'ai dû, au cours de mon développement, j'ai dû vous faire démontrer par A plus B qu'il y a une relation sine qua non entre la manipulation psychologique et l'état somatique. Ce qui vient de rentrer, l'état somatique, c'est quoi? C'est cet état d'esprit qui nous fait croire que tout ce que nous avons dans le plan physique dépendrait de nos états émotionnels et mentaux. Et ça fait en sorte que, bon, maintenant là, si je n'arrive plus à me mettre debout là, c'est parce que je suis vieux, oh, c'est parce que la femme là, elle est trop grosse. Oh. Mais non, c'est faux. C'est vous-même qui vous programmez cela dans la tête. Eh bien, c'est vrai aussi que... c'est vrai également que l'homme est influencé par ce qu'il voit. Donc, les cinq sens que nous avons dans notre corps ont un rôle très, très, très indispensable. S'il y a une odeur nésaïbonde, s'il y a... vous présentez un physique bizarre, un type qui est gros, tout vilain, tout ça, devant vous, un gros nez. Bon, si cette femme-là est habituée à voir un mec qui est beau, élégant et tout... vous constaterez que sa libido va baisser. Elle va être complètement débranchée sexuellement. La même chose pour l'homme. La femme qui est devant vous, c'est une grosse pétasse. Là. Pardonnez-moi, je ne veux pas insulter les gens ici, là. Bon, mais c'est des faits scientifiques, c'est vérifié. Que l'homme, ou en l'homme avec grand H, c'est-à-dire femme comme homme, est souvent influencé par l'apparence. Cette apparence peut vous déclencher un dégoût, ou peut déclencher l'envie, ou le goût. Clair et net, on n'en discutera pas sur ça. Revenons maintenant donc sur le troisième point qu'on appelle égrégore. Le mot égrégore vient du latin gregarius. G-R-E accent aigu. G-A-R-I-U-S. Égrégore, c'est en français. Ça vient du latin gregarius. Naturellement, latin et grec. C'est apparemment la même chose. Maintenant, en grec, on dit egregoria. Ça? En latin, ils disent egregoria. Plutôt en grec. Mais en grec, c'est gregorius. Et ça veut dire quoi? On a défini ça comme entité. Et les Grecs diront antitas. Et c'est quoi alors? On nous dit que c'est un être fragile qui est créé. À partir de quoi? Je vais vous expliquer dans les détails. Cet être-là prend naissance à partir d'un individu. Pardonnez-moi. Moi-même qui vous parle, pour ceux qui ont suivi mes vidéos au début, je vous ai dit que j'avais l'habitude de fabriquer les génies familiers. Les génies familiers, c'est quoi? Ce sont d'abord ces génies familiers de support, c'est des bois. Vous coupez les bois, mais pas n'importe quel bois. Voilà, j'utilise donc mon savoir Nganga du côté du Bouti. Vous utilisez le bois, mais on ne choisit pas n'importe quel bois. Vous prenez ce bois, vous le taillez et vous le mettez en forme d'un homme. Et dans ce bois-là, vous allez donc faire certaines opérations magiques que nous appelons faire des transferts des énergies électromagnétiques. En d'autres termes, cette technique-là, on l'appelle dans les arts occultes le transfert, c'est un autre terme là. Les transferts des énergies magnétiques, ou la talismanie pratique, merci beaucoup, c'est ça le terme. Nous appelons cette manière de faire talismanie pratique. La talismanie pratique est une technique qui consiste à transférer par des techniques gardées secrètes par l'opérateur lui-même. Donc, cette technique consiste à, le mot encore manipulation vient, consiste donc à faire des manipulations psychologiques, des manipulations des forces de l'au-delà, manipuler donc les forces éthériques, manipuler les forces magnétiques, manipuler les forces spirituelles, manipuler les forces angéliques, manipuler les forces de l'au-delà, manipuler les forces même planétaires, parce qu'il y a certaines planètes qui sont gérées par certains esprits, qui sont gérées par certains archanges, qui sont gérées par certains dieux, X à la fin, oui. La Bible, dans le psaume 115, dit bien qu'il y a plusieurs dieux, mais qu'au-dessus de tous les dieux, il y a Tatan Zambé, créateur de tout. De lui proviennent tout et de lui viennent tout, parce qu'il délègue ses pouvoirs. Donc tout autour de lui, personne ne peut me dire le contraire, il y a délégation de pouvoir. Tout comme sur terre, il y a un président, et ce président, il y a un premier ministre, il y a des ministres et tout, et tout, et tous les conseils et tout ça. C'est la même chose dans le plan astral et supérieur. Maintenant, dans le cas des égrégores, le mec, je disais, un individu, il sait comment manipuler, il fabrique son dieu. Il fabrique plutôt son entité ou son égrégore à partir de son réceptacle. Le bois qu'il taille, la poupée qu'il a, c'est ça le réceptacle. Réceptacle veut dire que cette poupée-là, différence entre énergie et un esprit. Oh là là, il y a une différence, effectivement. L'adrénaline dans le plan humain peut être confondue à l'esprit. Ça n'a rien à voir. Ça dépend dans quel contexte nous parlons. L'homme a en lui ce qu'on appelle le corps d'abord physique, qui est le corps le plus grossier que nous voyons. Hein? Parce que nous sommes sur la planète Terre. Mais si vous partez sur la planète Mars, votre corps va être différent. Si vous partez à la planète Vénus 4, votre corps va avoir une autre forme. Parce que ça dépend de la pesanteur, ça dépend des lois, des quatre lois cosmiques de la loi et de la nature. C'est-à-dire air, feu, eau, terre. Ça dépend. L'esprit. L'âme, votre âme, est la deuxième partie de votre existentialité ou de l'expression de Dieu en vous. Et ensuite, vous avez l'esprit. Bon, maintenant, dans la définition religieuse, si vous prenez maintenant le mot énergie, je peux comparer cet esprit qui est séparé, qui est la force. L'esprit qui est la force transcendantale, la force qui permet toutes les cellules de votre corps de s'activer et de vibrer. Ça, c'est ça que certains appellent d'une manière unanime l'esprit. Mais l'âme est différente. L'âme, c'est la divinité, c'est-à-dire c'est Dieu exprimé en vous. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image et l'homme devint la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, l'homme est une particule de Dieu. Tous les êtres humains dispersés sur terre, ce sont des particules dispersées de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est la matérialité ou l'expression de Dieu sur terre. L'homme est l'expression de Dieu sur terre. Donc maintenant, l'énergie n'est autre que cette force transcendantale, cette force universelle, cosmique, qui peut être individualisée en soi ou universalisée, ça dépend, qui vous permet de voyager dans l'espace et le temps à travers un autre corps qu'on appelle l'âme. Donc l'âme vous permet de voyager dans l'espace et le temps par rapport à quoi ? Par rapport à l'esprit. Et maintenant, quand vous êtes dans le plan physique, vous avez la force. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'est la parcelle de Dieu en nous. C'est pour cela que je l'ai dit, ce sont les particules. Toutes les particules dispersées, ça et là sur Terre, ce sont les âmes. Et tous, nous formons Dieu dans son existentialité et son expression. Ça, c'est un autre grand sujet important. Ça risque de choquer les chrétiens, ça risque de choquer les religieux. En d'autres termes, vous et moi qui sommes ici, nous sommes Dieu exprimé. Et ce serait insensé d'aller me mettre à genoux et dire encore, Dieu, viens, tu vas crier Dieu pour aller où? Tu es déjà Dieu sur Terre, cherche qui? Parce que Dieu t'a déjà tout donné depuis le début de la création. Mais pour comprendre ces phénomènes, effectivement, il faut vous initier. Voilà pourquoi vous verrez que quand je vais rentrer en profondeur dans ce cadre des égrégores, l'homme, vous devez rester loin de toutes ces manipulations psychologiques-là. Vous devez rester loin de ces histoires des égrégores. Vous devez rester loin dans ces conneries-là. Pourquoi ? Parce que quand vous vous initiez, seule l'initiation vous dira qui vous êtes. Et ensuite, quand vous vous initiez, personne ne vous manipule. Ça dépend du moyen par lequel vous vous initiez. Parce que c'est l'initiation qui vous déclenche cette aventure dans l'espace et le temps. Vous amenez vers où vous veniez, qui vous êtes, vers où vous partez. Et en un autre terme, qui vous êtes dans cet univers ? La religion ne vous le dira pas. La magie ne vous le dira pas. Non. Il n'y a pas de problème, j'attends. À la fin, il vaut mieux me poser la question pour que je ne puisse pas me disperser ici. Donc, égrégore, disais-je, ça part d'abord de manière individuelle et de manière dans le groupe. Dans le groupe, je vous donne un autre exemple. En 1992, j'avais créé un groupe appelé Orseyok. Orseyok veut dire l'ordre de recherche ésotérique occultiste. Et là-dedans, j'ai donc eu l'idée de pouvoir, effectivement, comme je partage avec vous, beaucoup de gens m'ont dit, ah, mais monsieur Nouvier, mais vraiment avec toutes les connaissances que vous avez là, ensuite on voit les miracles que vous opérez, vous priez pour les chrétiens au nom de Jésus, les miracles se produisent, vous priez pour les musulmans là, ben, on voit les miracles, mais mon Dieu, mais non, faites quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer l'Orseyok. J'ai eu 248 membres à l'époque, jusqu'au Congo j'en ai des membres. Bon, malheureusement, j'ai quitté le Gabon, je suis venu ici. Je vérifie, il y a certains qui continuent à faire nourrir mon égrégore, pour la définition de l'égrégore. il n'y a que 97 qui restent. Et ça me fait peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous vous mettez à créer un égrégore, bon, pulcherie, ah, on n'a pas dit ici qu'on veut être Dieu avec le grand D, comme vous l'avez écrit. Lisez encore la Bible. La Bible dit qu'il y en a plusieurs dieux. Ok? Mais que tous ces dieux sont sous la dépendance du Dieu suprême, Tatan Zambé. Mais que Tatan Zambé n'a pas le droit, il n'a pas besoin d'intervenir dans les affaires des hommes. Il y a autour de lui ce qu'on appelle des dieux. Ils sont délégués. Si vous voulez encore terre à terre en d'autres termes, les anges que vous voyez sont des dieux. Puisqu'il y a des gens qui créent des religions à partir d'eux. Les archanges sont des dieux. Les génies sont des dieux. Car ils deviennent très puissants. Les gens comme là-bas, Jésus, tous ces gens-là, Jésus-Christ, devient des dieux. Parce qu'il a été tellement vénéré que son égrégore devient très puissant. Et c'est de là où je parle de l'affaire de l'égrégore là. Les gens comme Bouddha. Bouddha. Hein? Bouddha dit Dharma, Gautama, fils de Krishna et de Vika. Devika et de Krishna. Quand vous lisez l'histoire de Devika et de Krishna, un enfant leur est né. Je vous salue, Krishna, plein de grâce. Et un enfant va leur être né, Gautama. Et cet enfant va être abandonné dans un orphelinat, quelque part, élevé par les grands maîtres, tous ceux qui ne font pas d'enfants, qui méditent jour et nuit. Vous partez en Égypte, vous verrez encore le cas d'Isis et Osiris. Un enfant est né, et cet enfant encore de manière miraculeuse. Donc, toutes ces similitudes de ces enfants, vous verrez que ça va de pair avec l'histoire chrétienne de Jésus-Christ et de Joseph, comment il s'appelle, de Marie et de Joseph. Donc, ne nous embrouillons pas dans le sujet ici. Je répète encore, nous sommes des dieux. Parce que nous sommes des fragments divins. Genèse chapitre 1, verset 27, chapitre 2, le verset 7. Je ne viens pas ici pour faire perdre la foi aux gens, au contraire, pour vous encourager à comprendre votre divinité, à vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de trop dépendre du pouvoir de quelqu'un d'autre, que vous n'avez pas besoin d'être manipulé par un pasteur ou un prêtre, parce que le pouvoir que le prêtre a, le pasteur a, ce même pouvoir, vous l'avez en vous. Vous comprenez? Vous avez ce même pouvoir, mais c'est parce que nous sommes dans, moi je ne le suis plus, certains d'entre vous, certains d'entre nous, vivent encore dans cette ignorance et l'esprit de dépendance. Parce que dès lors que tout le monde réussira à avoir cette prise de conscience collective, individuelle d'abord et ensuite collective et universelle, vous verrez que toutes ces histoires des églises n'existeraient plus. Parce que Paul a été très clair dans ses écrits. Paul a bien dit que l'église ou le temple n'est pas fait de main d'homme. Mais que dans le livre de Corinthiens, je crois chapitre 7, il dit bien que le temple de Dieu est en vous. Vous, vous êtes le temple de Dieu. Votre temple est en vous. Et que vous, vous devez être le gardien de votre temple. Vous êtes la porte de votre temple. C'est vous qui allez tolérer que le démon ou le diable rentre en vous. Par vos négativités, vous accepterez que les esprits étrangers rentrent en vous. Et que Dieu peut rentrer en vous, ou l'Esprit de Dieu peut rentrer en vous. Donc, je n'ai pas dit ici là que nous sommes le Dieu suprême Tatan Zambé. Je dis nous sommes une expression de lui. Nous sommes une particularité, nous sommes une particule de lui. En d'autres termes, nous sommes des petits dieux. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'encore aller chercher quoi chez Dieu, chez qui? Égrégore. Donc, dès lors que l'égrégore est formé, je disais, sur mon exemple, j'ai fait une petite note, ça date de 1992. Alors on disait que comment l'égrégore se crée. Je disais que l'égrégore c'est cette entité qui se crée à partir d'un individu ou bien à partir d'un groupe. Donc vous êtes 2, 3, 4, en d'autres termes soyons plus clairs. Voilà comment même l'église chrétienne a pris jour. Un certain Paul, c'est lui qui a créé le christianisme à Antioche, dans l'actuelle Turquie. C'est lui, Paul, on l'appelait Saul de Tarse. Comment Paul a fait? En l'an 65 de notre ère, date exacte qu'il créa le christianisme. Comment il a fait? Il s'est retrouvé avec Jean, Pierre et bien d'autres. Alors, ils ont fait le même phénomène. Vous verrez dans le livre des Actes des Apôtres, on parle du cercle. Les gens sont assis, ils créent un cercle et ils invoquent l'Esprit, le Saint-Esprit. Bon. Quand les gens s'associent en groupe ou en individu en groupe et qu'ils font un programme, le programme passe comment? Je vais vous expliquer un peu dans certains détails comment le programme est fait. Et on choisit un thème sur lequel il faut prêcher. On choisit des techniques qu'il faut utiliser pour mieux atteindre les esprits fragilisés ou les âmes fragilisées. Donc les hommes qui sont victimes des problèmes de l'environnement direct ou indirect, ceux qui ne se retrouvent plus, qui ne savent plus où aller. Il faut trouver des voies et moyens. Donc il faut trouver un message pour cela. Donc, je répète, qu'avant de pouvoir créer votre égrégore, qui est une entité, qui est un esprit réel, lequel, aujourd'hui, par exemple, Jésus-Christ est une égrégore ou entité. Les musulmans, avec leur Dieu Allah, leur égrégore est là. Ça existe, c'est un esprit bien puissant qui est là. Chez les bouddhistes, c'est pareil. Dans n'importe quel mouvement religieux, je vous dis que l'égrégore, c'est cette entité-là que tous les hommes vénèrent. Par exemple, l'égrégore chez les témoins de Jéhovah, ça s'appelle Jéhovah. C'est un égrégore. Parce que en 1862, Charles Taze Russell s'est assis avec un groupe qu'on appelle le groupe des étudiants de la Bible et ils se sont entendus, ils ont dit, bon, nous, on va utiliser notre thème. Le thème, c'est quoi? L'enfer n'existe pas. Voilà comment les témoins de Jéhovah ont commencé leur mouvement. J'ai le livre avec moi sous les yeux. Alors, dans leur thème, donc, comme je disais, pour pouvoir créer cet égrégore, il faut choisir quelqu'un qui est très éloquent, quelqu'un qui a un charisme très puissant, quelqu'un qui connaît les sciences psychologiques, comment manipuler les esprits des gens, quelqu'un qui a des connaissances ésotériques, quelqu'un qui connaît les lois magiques, quelqu'un qui connaît les arts, quelqu'un qui connaît qui sont les anges, Dieu et toutes ces histoires-là, quelqu'un qui connaît les forces qui régissent l'univers, quelqu'un qui connaît... En un mot, il faut vraiment quelqu'un de très charismatique dans tous les plans. Je dis bien dans tous les plans. Il doit maîtriser la mathématique, il doit maîtriser l'astronomie, il doit maîtriser l'astrologie, il doit maîtriser, comprendre les mécanismes de la maladie. Et ensuite, il doit être un bon sociologue. Et ensuite, il faut passer au phénomène de pouvoir identifier les esprits fragilisés. Et ensuite, on nous dit ici que, au début, cette tête-là est très fragile. C'est-à-dire que quand vous commencez à former votre mouvement là, c'est encore très fragile. Pourquoi il est fragile? Mais si vous êtes seulement par exemple 5 au début, mais c'est normal. Moi j'étais là à 248. Comparé par exemple aux musulmans qui sont près de 2 milliards. Vous comprenez qu'il y a une très grande différence. Donc l'égrégore des musulmans est le plus puissant au monde, suivi de l'égrégore des chrétiens. Les bouddhistes aussi, leur égrégore a une certaine taille. Donc la taille ou la dimension ou encore la force et l'âge de votre égrégore dépend de la dimension ou de la densité humaine. C'est-à-dire, ça dépend du nombre de recrues que vous avez autour de votre égrégore. Et ces recrues deviennent comme le logiciel, quand on parle en langage informatique. Ce sont eux qui sont, par la somme des énergies des gens qui sont autour de cette entité-là, c'est ça qui permet de faire nourrir cette entité. Mais si cette entité-là est mal nourrie, c'est le cas par exemple du christianisme aujourd'hui. Au début, l'église catholique, l'église protestante et toutes ces histoires-là, l'égrégore christique avait un certain pouvoir. Mais avec l'arrivée des églises éveillées, l'arrivée des églises de Kimbilikiti, je ne sais quoi, il y a tout un désordre. Les gens amènent des mélanges, de font n'importe quoi. Du coup, je vous dis que l'égrégore christique est en train de se fragiliser. Voilà pourquoi beaucoup d'églises, vous allez crier, les miracles ne se passent même plus à cause des gourous. Les gourous, c'est qui? C'est lui le leader, c'est-à-dire celui qui est au niveau de la tête de l'église. Alors, donc, cet égrégore, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif, et cet inconscient collectif va donc passer à la création du symbole défini par le groupe des fils, c'est-à-dire l'initié qui va créer son groupe. Il va donc tout ce que je vous dis là, c'est ce que moi j'ai fait en 92. Et maintenant, il faut donc passer par ce qu'on appelle ici, comment on appelle ça? Le rituel. Parce que le rituel est la clé même fondamentale dans ce contexte égrégorique. Je vous dis, le rituel est très important parce que le rituel est le fondateur du mouvement sans lequel l'entité ne peut pas fonctionner. Et, règle numéro 3, de quoi se nourrit donc cet égrégore? Une fois l'égrégore est créé, il faut savoir le nourrir. Bon, on le nourrit de différentes manières. Les prêtres du culte ou les pasteurs du culte, ce sont eux, donc les leaders de ces religions, ce sont eux qui seront chargés de canaliser les énergies de l'égrégore et en les dirigeant, les différents courants énergétiques. Donc, en d'autres termes, les chefs qui sont à l'église, là, donc les pasteurs ou les prêtres, ces gens-là constituent le personnel d'encadrement. Et en tant que personnel d'encadrement, ces mecs-là donc dégagent une certaine énergie. Ils dégagent un certain magnétisme. Mais dans le cas des égrégores magiques, il y a donc ce qu'on appelle les médiums, les intermédiaires entre le sacré et le profane. Donc, comment je me répète encore, comment donc ces égrégores se nourrissent? Ces égrégores se nourrissent de l'énergie dégagée par les chefs auprès des dépendants, donc les disciples. Vous qui êtes là, s'il est en train d'écouter le message, c'est comme ça l'égrégore là se nourrit. C'est à l'échange de ceci que l'égrégore se nourrit. Une fois de plus, cet égrégore, c'est quoi? C'est l'entité. C'est une énergie. C'est l'entitas. Ok? C'est un être réel. C'est, si vous voyagez dans l'espace, le temps, vous verrez, il y a des gens qui disent, oh, yo, je fais ce qu'on appelle le NDD. Ici, aux États-Unis, NDE veut dire The Near Death Experience. Near, pour N, Death, D, E, Experience. C'est-à-dire les gens qui sont tombés dans le coma, et quand ils tombent dans ce coma, ils voient Jésus. Mais Jésus qu'ils voient, il a ce qui. Mais c'est normal. C'est ce Jésus, c'est cette entité-là que les humains ont créée depuis l'Empire romain. C'est ça. Ce n'est pas un être humain. C'est une énergie. C'est une entité. Donc, vous voyez, c'est comme ça se passe. Cette entité, bel et bien, donc, toute religion organisée, toute société magique secrète, toute loge sur terre, crée cette énergie. Je vous ai déjà dit depuis le début, je ne vais plus revenir là-dessus, comment on fait pour créer cet égrégore-là, comment on fait pour créer cette entité. Il faut avoir certaines capacités, ce n'est pas n'importe quel niaquin qu'on doit prendre pour faire ça. Il faut être un anti de bonnes connaissances fondamentales. Il faut être un bon manipulateur de conscience. Un bien bon manipulateur psychologique. Il faut connaître des phénomènes psychosomatiques. Et il faut connaître les failles de la société. Il faut connaître la sociologie. C'est-à-dire les mots qui minent la société. Il faut connaître tout ça. Quand vous vous préparez à pouvoir créer votre groupement, votre religion, votre secte, je ne sais quoi, afin d'activer et de créer dans le plan invisible votre entité. Donc, c'est pour vous dire en d'autres termes, quand vous entendez, oh, je m'en vais à l'église du sabbat, oh, l'église du sabbat, là, dans le plan éthérique du Gabon, a une entité qu'on appelle église sabbat. C'est une entité, c'est un égrégore, c'est un esprit qui existe bel et bien, créé par des hommes qui se sont associés, qui se sont entendus, parce que je vous ai expliqué au début, ils ont choisi le cadre, ils ont choisi le nom de leur machin, de leur égrégore, ils ont donc sélectionné qui doit être le chef de file, qui doit avoir toutes les connaissances possibles, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, le problème. Il y a les gens qui sont dans ces milieux-là, il y a des gens qui deviennent des victimes. Les victimes des égrégores, c'est qui? Ce sont les gens qui commencent à trahir le secret de l'Église. Les gens qu'on appelle, en d'autres termes, qu'on exclut. Je ne vais pas citer le nom des églises. Il y a un frère là qui me suit, ensemble, qui est là. Je garde l'anonymat. Il sait de quoi je parle. Je prends le cas, par exemple, des témoins de Jéhovah. Je vous dis que cet égrégore ne badine pas. Parce que je connais des gens qui étaient là-dedans. Qui, au sortir, lorsqu'ils ont été exclus, mais mon Dieu, l'égrégore se fâche, c'est-à-dire... Souvenez-vous que chez les témoins de Jéhovah ou bien d'autres religions, ils disent bien que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu qui n'acceptera pas que vous vous mélangez avec d'autres connaissances. En se contredisant avec ce que Paul, le fondateur du christianisme, a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, que je ne cesserai de vous répéter, oh, les chrétiens qui me suivent. Ce verset dit bien ceci. Toute connaissance qui vous est proposée, examinez diligemment, examinez avec attention, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui ne vous convient point. En d'autres termes, ce qui ne va point pour votre développement ou avancement spirituel. À quoi bon vous casser la tête à continuer dans un milieu où les gens continuent à crier comme des fous au point que vous attrapez des maux de tête? Je parle ici des églises dites éveillées. On crie Alléluia, Alléluia. Mais qui vous a dit que Dieu a besoin de tout ce bruit? Allez-y en Égypte. Allez-y lire les livres de Moïse, mon Dieu. Le Dieu de Moïse, appelé Jéhovah, le Dieu des Hébreux, n'avait-il pas dit à Moïse que me demande un peu tes gens-là de se taire? Moi, je suis un Dieu qui agit dans le silence, qu'ils arrêtent de trop se plaindre, qu'ils arrêtent. Donc, le Dieu suprême, Tatan Tzambé, par sa manifestation à travers nous, il recommande le silence. Arrêtez les agitations, ce n'est pas dans les cris. L'apôtre Paul encore lui-même va se contredire quand il dit que ce n'est pas dans les cris, ce n'est pas dans les agitations que Dieu va se manifester en vous, mais c'est plutôt dans les méditations et la recherche du Dieu dans le silence. Même Jésus encore, qui n'a même pas fondé une religion, n'a-t-il pas dit que lorsque tu pries dans Matthieu chapitre 6, il donne la règle d'or, comment on prie, comment il faut prier et rentrer en communion avec Dieu? Il n'a pas dit qu'il faut aller crier dans les églises. Vous voyez, la même Bible là, je vous dis, si vous l'analysez de manière ésotérique, beaucoup de gens vont abandonner les églises, mais ce n'est pas mon but. Mon but ici, c'est pour vous expliquer ces histoires des phénomènes égrégoriques auxquels vous vous exposez. Donc, les égrégores, comme je disais, se nourrissent de vos énergies. Oui, une fois que vous êtes parti de ces églises-là, vous vous nourrissez l'égrégore en question. Vous, en tant que logiciel, vous faites partie des nourrissons. Donc, le prêtre, le pasteur, qui exploite vos énergies par le message qu'il fait passer, et vous êtes là, vous acceptez les contributions. Le rite est déjà formé, hein, le rituel est là. Jésus-Christ, le fondateur, Jésus-Christ, la vie, le chemin et la vérité. Voilà, il a créé son rite. C'est ça son rite de fonctionnalité. Dès lors que vous acceptez ça, tout marchera comme ça. Mais dès lors que quelqu'un va venir s'opposer, ça c'est son problème. Dès que vous allez vous opposer à ça, pour revenir sur l'histoire des gens qu'on exclut. Moi j'ai dit, j'ai pris l'exemple des témoins de Jéhovah. Je vous jure, je connais beaucoup. Ils ont été atteints par des accidents mortels. D'autres sont devenus des grands fornicateurs, des bordels, des soulards. Mais ceux qui étaient malins, comme mon frère et moi qui me suis là, quand vous quittez, vous appliquez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Les frères sont venus me voir, mais comment tu as démissionné et tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je parle des témoins de Jéhovah. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous quittes? J'ai dit, ah, Matthieu, 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Tout ce que vous avez dit, moi j'ai examiné. Moi j'ai vu qu'il y a certains qui ne comptent. Pourquoi vous osez me dire que non, le Saint-Esprit n'existe pas? Pourquoi vous osez me dire que non, si tu crois en Dieu, Jésus-Christ ne va pas te donner le pouvoir pour guérir? Moi je commence à guérir, les gens me disent, oh, je suis possédé par les démons. C'est quoi cette affaire là? Pardon, moi je vous quitte. Je les ai quittés tranquillement. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il m'est arrivé aucune séquelle. Mais si vous ne quittez pas nanti d'une bonne connaissance spirituelle, et si vous ne priez pas fort, moi je vous dis, le Grégoire des témoins de Jéhovah est très dangereux, très fort. Ah oui, des gens sont devenus fous, des gens sont devenus bizarres. Bon, certaines de ça, c'est une chose que je connais, puisque j'étais là-bas. Il y a bien d'autres que j'ai lu, des exemples, des témoignages. Donc, du coup, quand vous êtes expulsé de ces régions, il y a ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est quoi? C'est une cassure brutale de votre adhésion à l'égrégore. Et l'égrégore, donc, puisque l'égrégore est très jaloux, l'égrégore a été déclaré comme un dieu jaloux qui n'accepte pas qu'on le trahisse, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces énergies vont se tourner en énergie négative et venir vous gaspiller votre vie. Et vous payez le karma, vous devenez une vie bizarre, vous devenez fornicateur bizarre et toutes ces histoires-là. Donc, en d'autres termes, vous êtes exposé à des dangers, vous êtes exposé au diable. Bah, s'il existe, naturellement. Voulez-vous que je vous entretienne encore longtemps sur ce sujet? Ce serait trop long. En résumé, l'association, l'égrégore. Alors, chaque fois que vous verrez, quand je fais mes interventions, je parle toujours que laisser ces histoires-là, comment dirais-je, ou parfois je vous dis, oui, vous qui entrez dans les loges maçonniques, ou vous êtes dans les loges, je ne sais quoi, vous êtes dans les religions chrétiennes, les religions islam et tous ces choses. Moi-même, j'étais musulman, Abdurazak, c'est mon nom, je connais la plupart des versets du Coran, je connais le soufisme qui est la pratique mystique de l'islam. J'ai guéri des musulmans à travers des prières. Je le répète, ne me posez pas de questions, c'est toujours la règle d'or. 1 Thessaloniciens 5, verset 21, c'est ça. J'ai, dans tous les parcours, je vous avais dit, j'ai été initié dans 17 milieux initiatiques spirituels et mystiques. 17, je les ai bien sélectionnés. Jusqu'au Brésil, jusqu'ici aux États-Unis, jusqu'en Inde, j'ai été. Les diplômes, tous les papiers sont là. Initiation visible ou initiation mystique, c'est-à-dire je me suis déplacé dans l'espace et le temps, où les maîtres apparaissaient devant moi. Ce que je vous parle, ça vous paraît utopique, mais seuls les initiés peuvent comprendre ce que je dis. Ça, je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, j'ai utilisé toujours la même règle d'or. Que toute connaissance, selon le fondateur du christianisme, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, que vous pouvez relire, il y a des chrétiens qui me suivent, dans cette compréhension, selon la traduction que j'aime bien là, la traduction du français courant, toute connaissance qui est mise à votre disposition, veuillez l'examiner, la scruter, l'analyser, acceptez-la si elle convient à vous, si elle est bonne pour vous. Rejetez-la si elle ne vous convient pas et mettez-la à la poubelle claire et nette. C'est moi qui ajoute le mot poubelle. Mais en tout cas, Paul est clair dans cette vision et dans cette compréhension. Et le même Paul a bien dit, vous êtes le temple de Dieu. Et par conséquent, vous ne devez pas en faire du temple de Dieu n'importe quoi. C'est pour cela, quand vous lisez le livre de Galates, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, vous verrez qu'il vous démontre ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Et cette alchimie spirituelle passe par quoi? Lisez les livres de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et lisez également le livre de Romains. Il vous explique tout le phénomène ésotérique spirituel pour le développement d'un nouvel homme. Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle le nouvel homme? Un nouvel homme, c'est l'homme qui est créé selon l'image de l'Esprit. Selon sa définition, il dit, selon l'image du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit va donc purifier, va vous amener un travail d'épuration intérieure. Il parle d'épuration intérieure, il ne parle pas d'épuration extérieure. Voilà pourquoi le même apôtre Paul parle dans, je crois, 1 Thessaloniciens chapitre 13. Il dit que le diable se transforme constamment en ange de lumière. Allez-y dans les églises. Dimanche, le pasteur vous prêche, il vous parle. Dès que vous sortez l'église, le diable vous attend même devant la porte. Vous avez tout oublié. Ceux qui rentrent à droite sortent à gauche. On vous voit, vous êtes là dans les ambiances bizarres. Vous êtes impliqué dans les drogues. Vous êtes impliqué dans les baiseries des hommes et des femmes. Vous êtes là en train de vous texter pendant que vous êtes à l'église. Il y a la distraction totale. Quand je vous ai dit que le Grégoire christique a été victime de fragilisations énormes, partant depuis le 4e siècle en l'an 325, lorsque l'église catholique apostolique à Iromania a vu le jour sous l'empereur Constantin le Grand, et au 15e siècle par le protestantisme, au 17e siècle par d'autres églises dites éveillées, qui ont vu le jour vers le 19e siècle aux États-Unis à partir des années 1800, notamment les témoins de Jéhovah, les adventistes du 1er et du 7e jour, jusqu'aux mormons et toutes ces histoires-là. Toutes ces fragmentations au sein du christianisme a amené une confusion au niveau de l'égrégore christique, c'est-à-dire l'égrégore ou encore l'esprit que vous appelez Jésus-Christ ou le Dieu Jésus. Ça a amené des fragmentations et des fragilisations énormes. Par conséquent, nantis de cette information, je vous prie, allez-y dire à qui de droit que je suis responsable de ce que je vous dis. Aujourd'hui, l'Église connaît une crise énorme à travers des manipulations psychologiques qui affecte même la société gabonaise. Et ces manipulations psychologiques, comme je le disais, pour ceux qui n'étaient pas tout au début, ça se passe même au sommet de l'État. Il y a des hommes et des femmes qui sont formés dans les milieux politiques afin de manipuler le peuple gabonais, manipuler psychologiquement. Ils savent les biens, ils savent les réalités sociologiques de notre société gabonaise. Ils savent que l'homme gabonais croupit dans la misère. Ils savent que nous sommes dans des manques énormes. Ils savent que nous avons un retard de plus de 50 ans par rapport à l'indépendance qui nous a été donnée. Ils savent que les besoins de basiques, c'est-à-dire les besoins qui sont les besoins de base, ne sont point acquis. Il n'y a pas, ne sont point acquis, autant pour moi. Notamment les routes, les écoles, les hôpitaux, hein, les sociétés, la formation des cadres et tout cela, incapables de fabriquer une aiguille. Comment voulez-vous? C'est la part de l'État. Donc il y a une grande manipulation psychologique qui passe par des discours et des conneries et des changements de constitution et autres pour tuer les Gabonais psychologiquement. Donc dans cette manipulation psychologique, si vous ne faites pas ce qu'on appelle une éveil psychologique, une éveil de la conscience, alors votre subconscient va être toujours manipulé par ces hommes politiques. Dans le cadre religieux, c'est la même chose. Ne dit-on pas dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, que la prostituée chevauche sur le cheval, elle est toute sous, elle est contente. La prostituée, la femme, la bordel, elle est saoule, elle continue à chevaucher. Il s'agit de qui? Tout le système religieux nésaïmon qui continue à crier au nom de Jésus-Christ, mais qui soutiennent les gouvernements barbares venant droit des ténèbres, en train de leur soutenir à recevoir des médaillons auprès d'eux, ils sont également victimes des manipulations psychologiques. Et vous allez me dire, vous qui fréquentez ces églises, dont les pasteurs soutiennent Mordicus, un homme qui a prouvé aux yeux du monde entier qu'il est incompétent et incapable, empêchant M. Ping de voyager hier sans raison ni aucune, sur un document fondé sur simplement des pauvres, comment dirais-je, simplement des extaltations ou je ne sais quel mot utiliser. Voilà les manipulations psychologiques dans lesquelles nous sommes victimes. Et aujourd'hui, à l'étape numéro 2, le somatisme. Arrêtez-vous, peuple gabonais, de vous faire manipuler par les marabouts, de vous faire manipuler par ceux appelés soi-disant des nganga, des soi-disant connaisseurs ou vendeurs d'illusions, ou encore des occultistes de mercenariat. Tous ces mecs qui viennent au niveau du Gabon, et surtout le Gabon, est victime de toutes ces histoires-là. Alors ils vous mettent dans un état purement somatique, vous créez des maladies imaginaires dont vous ne pouvez même plus vous traiter, vous ne savez pas où il faut aller. Arrêtez cela. Soignez-vous vous-même. Comment vous pouvez vous soigner vous-même? C'est en vous initiant. Et vous initiez en faisant quoi? Étape première. Renseignez-vous. Étape numéro 2. Restez chez vous, c'est-à-dire rien que chez vous. En d'autres termes, c'est dans notre pays, le Gabon, où vous devez recevoir votre initiation. Savoir qui vous êtes. Et c'est très important. Sinon, le Gabon va vraiment à la dérive. Je vous ai démontré depuis le début de mes propos que ce soit dans le plan familial, il y a des manipulations psychologiques. Que ce soit dans le plan religieux, il y a des manipulations psychologiques. Des détournements des femmes, des gens. Des pasteurs qui touchent, qui prétendent donner la lumière ou des enfants aux femmes, aux pauvres fidèles, en touchant leur partie génitale, en allant même jusqu'à voir à commettre des adultères. Où est-ce qu'on va, mon Dieu? Dans le monde politique, on n'en peut plus. Les exemples sont nombreux. Voyez-vous, de manipulation psychologique. On vient nous mentir au Gabon. Qu'on manque de l'argent, ça c'est des manipulations pour les lieux, mais psychologiques. En entendant, allez-y savoir ce qui s'est passé au Brokiro, je ne sais pas comment s'appelle cet hôtel, hein, dont Bongo est propriétaire en France. Un hôtel qui a fait près de 300 millions d'euros, près de 195 milliards de nos francs CFA qui est 595 milliards peuvent couvrir toutes les routes du Gabon, 1200 kilomètres, peuvent couvrir toutes les écoles, avoir des écoles de moins de 30 élèves par salle de classe, avoir des ordinateurs, internet accessible, toutes ces histoires-là, plus de souffrance en création des entreprises avec 195 milliards de francs CFA. Mais manipulation psychologique, Bongo a continué à mentir aux Gabonais qu'on a besoin d'argent en allant chercher de l'argent auprès des organismes financiers. Et moi, j'ai intitulé ça, pour ceux qui n'ont pas suivi cette cassette, ça s'appelle la dette odieuse. Une dette odieuse qui permet de renforcer son pouvoir, qui continue à payer les militaires sans raison, à traumatiser les Gabonais, à les traumatiser. Heureusement, ils n'ont pas pu traumatiser notre président Ping à l'aéroport, qui a pu les affronter face à face et leur dire, mais c'est comment, qu'est-ce que vous voulez de moi? En d'autres termes, le Gabon est peuplé de plusieurs égrégores. Et ça, c'est le plus grand danger. Le Gabon est peuplé de plusieurs égrégores. Et toutes ces forces égrégoriques ou encore des entités, ou en d'autres termes des esprits qui pleuvent ça et là, qui circulent et qui sont en train de détourner la jeunesse gabonaise. Nous voyons dans des lycées et collèges, des écoles, des enfants avec des couteaux, des douk-douks, qui sont en train de s'entretuer n'importe comment. On comprend plus ce qui arrive aux enfants. Ils sont possédés justement par la confusion et le mélange de toutes ces entités qui sont désormais, qui peuplent le corps éthérique du Gabon, et nos enfants ne peuvent plus contrôler leurs actions parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une manipulation psychologique. Or, la manipulation psychologique se passe au niveau du subconscient. Personne ne peut contrôler votre subconscient en dehors de vous-même. Mais malheureusement, il vous faut une formation. Peu de gens sont éveillés et connaissent ce que je vous dis. Parce que même ceux qui sont dans ces milieux sectaires, ceux qui sont dans ces milieux de loges maçonniques, ceux qui sont dans ces milieux, il y a des lumières là-dedans, mais ils ont peur de se prononcer. Parce que, pardonnez-moi, peur de se faire buter. Et nous avons cette opportunité depuis ici de vous faire comprendre que les égrégores qui sont au Gabon, malheureusement, sont des égrégores très dangereux. Car la raison est simple. Jésus-Christ, l'égrégore de Jésus-Christ n'a jamais tué quelqu'un, n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Mais c'est ce que les gens en font de cet égrégore aujourd'hui. On voit des voleurs, des voyous, des bandits, des détourneurs de fonds, hein, des corrompus au sommet de l'État. Et tous ces gens, allez-y leur demander, vous le verrez le dimanche, il est à l'église, cravate portée et tout et tout et tout. Vous trouvez ça normal? Donc les égrégores du Gabon, les égrégores religieux, magiques et tout cela, sont complètement dans un état de confusion, du désordre. Et voilà pourquoi vous verrez que les Gabonais, ça ne marche plus dans leur vie de tous les jours. Il y en a trop pour un petit pays de 1 800 000 habitants, pas même 2 millions. Nous avons plus de 15 000 églises. Ce n'est pas normal. 15 000 églises, mon Dieu! Même les États-Unis, je ne sais pas. On n'a pas atteint ce nombre-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez avec tout ça où? Quelqu'un bon matin se réveille, moi mon église s'appelle Jésus m'a rencontré. L'autre va dire, oh, moi mon église c'est Moussungu. L'autre va venir là-bas et dire, moi c'est Alléluia, c'est Jézabel. Mais ça va jusqu'où, chers compatriotes? Donc, je ne veux plus trop vous entretenir sur ce sujet, sinon on risque de rester toute une journée. C'était juste apporter ma petite contribution pour vous dire que les manipulations psychologiques elles sont nombreuses. Elles sont d'origines diverses, mais dont nous pouvons nous-mêmes être une victime ou en être un auteur. Nous devons faire très attention. Évitons d'être auteur ou encore victime, car la manipulation psychologique fait ravage dans les foyers, où les mensonges, de toutes les tromperies, de toutes sortes, des infidélités circulent, et le diable en profite s'il existe. Les esprits du mal que vous créez par vous-même en profitent pour cela. Dans le plan politique, je ne veux plus développer, vous avez tout suivi. Dans le plan religieux, c'est tout un scandale. Et tout ce que nous avons suivi, un phénomène égrégorique. Nous avons compris que un égrégore, c'est une entité, c'est un esprit, ça existe bel et bien. Faites très attention à vos affiliations à toutes ces entités. Faites vos attention à ces affiliations à des égrégores étrangers. L'égrégore de l'islam, M. Mohamed, quand il a créé ça, c'est un arabe. Donc l'égrégore de l'islam, elle est purement arabe. L'égrégore des chrétiens, que celui qu'on appelait Paul. Paul lui-même, il est moitié romain, moitié juif. Bon, je dirais que plutôt il est juif, puisqu'il a embrassé la culture de sa mère qui était juive. Donc l'égrégore des chrétiens, c'est l'égrégore des blancs. L'égrégore des bouddhistes, c'est l'égrégore des indiens. Toutes ces histoires nous sont minées. Notre atmosphère est complètement minée des égrégores bizarres qu'on ne se reconnaît même pas. Donc, conclusion, en conseil de frère, veuillez s'il vous plaît, adhérer à votre propre égrégore. En d'autres termes, soyez vous-même. Ne soyez plus victime des manipulations psychologiques. Ne soyez plus victime des états somatiques. Car tout homme sur terre est appelé à vivre et apprécier et aimer la vie, quel que soit l'âge. Jusqu'à l'âge de 100 ans ou 150 ans, en tout cas il y a un homme qui l'a prouvé, il s'appelle Abraham. Jusqu'à l'âge de 175 ans, il bandait fort comme un cheval. Donc ça n'a rien à voir avec, comment dirais-je, l'âge. Tant que le cerveau, tant que votre cœur, les poumons, les reins fonctionnent de manière harmonieuse et que votre alimentation est surveillée de manière périodique et quotidienne et que vous surveillez ce qui rentre dans votre, comment dirais-je, votre cœur et vous surveillez aussi ce qui sort de votre bouche. Donc vivre en harmonie avec l'univers, vivre en harmonie avec les autres, le respect de soi et d'autrui. Comme Jésus l'a dit, les deux plus grands commandements. Jésus l'a dit, non? Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton énergie et de tout, tout, tout. Comment le faire? Je vous ai donné la réponse. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image et l'image de Dieu est en nous. Et donc nous sommes la ressemblance de Dieu. N'allez plus aller prier le genou, je ne sais auprès de quel Dieu que vous ne connaissez même pas, non, l'égrégore a été fabriqué il y a combien de temps, et cet égrégore peut vous babler une gifle, et puis vous allez vous retrouver dans la confusion totale. Laissez-moi ces histoires-là. Hein? Ça, c'est très important. Donc, je vous remercie, cher peuple gabonais, car le combat, ce sujet n'a pas été trop politique, mais vous verrez que vous avez vu que ça a un rapport complètement, dirais-je, un rapport étroit avec la politique, parce que, effectivement, le peuple gabonais, on nous a embrigadés, on nous a mis dans un système de, je ne sais pas, on nous a tellement embrigadés nos consciences, on ne sait même plus ce qu'il faut faire. Alors, ce n'est pas normal. Il est temps de nous réveiller spirituellement, il est temps de nous éveiller, et que, comme je l'avais dit la dernière fois, j'espère que dans ce nouveau gouvernement, ils auront ce qu'on appelle, comment dirais-je, un ministère de l'éducation populaire, et comment dirais-je, ministère des arts et de l'éducation populaire, pour pouvoir ici nous amener à mieux nous connaître et à laisser de côté toutes ces forces venant de l'étranger qui sont là en train de manipuler tous les peuples gabonais, surtout la jeunesse, laquelle jeunesse ne se reconnaît plus, qui est complètement ignorée, qui ne peut même plus parler sa propre dialecte, qui ne peut même plus parler sa propre langue, qui ne peut même plus se reconnaître, qui est complètement déphasée du point de vue sociologique et psychologique. Oh, Tatanzambe, mon Dieu, où va le monde? Relayez le message, s'il vous plaît. Faites passer cette vidéo, je vous en prie. Faites passer le message. Faites passer le message. Je ne vais pas rentrer en émotion. Je ne vais pas rentrer en émotion. Parce que je vous dis tout ce que je viens de dire, droit de mon cœur. Ça risque de me faire couler les larmes. Parce que j'ai pitié de mon peuple. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci. Merci de m'avoir suivi. Faites passer le message aux autres. Partagez cette vidéo. Mon devoir est de sensibiliser. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, ceux qui se contredisent, vous avez mon inbox. Tout ce que j'ai constaté, mais j'apprécie Pulchérie, elle a posé certaines questions. Et je crois que j'ai répondu à ces questions sans offenser qui que ce soit. Sans offenser qui que ce soit. J'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup, je vous en prie, merci. Merci, je ferai tout de mon mieux. Je ferai tout de mon mieux. Je vous avais dit la dernière fois que j'ai mille et un sujets que je n'ai même pas besoin de me préparer. Mille et un sujets que je peux développer avec vous. Parce que j'ai mis mon pied partout. Je vous avais dit la dernière fois que pour moi, l'école ne s'arrête pas. Même là où je suis ici aux États-Unis, je continue après. Je ne vais pas vous dire la nature. C'est vrai, je fais psychologie. Mais je fais déontologie. Je fais science, métaphysique, je fais ceci, cela, géographie, tout, les mathématiques. Hein, la mathématique quantique. Ça, c'est la matière où je suis en train de me casser la tête en ce moment. Et mon fils me dit, mais papa, mon Dieu, 54 ans, bientôt 55 ans, tu te casses. Là, il dit, laisse-moi ça. L'âge est un mot disqualificatif qui est utilisé par les ignorants, car l'âge n'est qu'un nombre. Tant que le cerveau fonctionne dans l'espace et le temps, vous êtes capable de maîtriser la matière et de maîtriser la connaissance et de maîtriser tout ce qui vibre et vit. C'est ça. C'est ça la conditionnalité. Je me maintiens physiquement. Je vous ai dit, pour me résumer, qu'il faut, pour ceux qui ne l'ont pas encore commencé, inscrivez-vous dans un club d'art nature. Inscrivez-vous dans un club de boxe. Formez votre corps physique. Hein? Faites le yoga. Faites du karaté. Moi, je suis dans le karaté depuis 1972. Je vous ai cité le nom de ma maître. Il y avait le maître Ndomba, le fils de Yannick Ndomba, qu'on se connaît très bien, qui m'a lancé là-dedans. Il y a le maître Jeannot Akendengue qui est à Port-Gentil, qui en 73-74 m'initia à Ombwe. Et ensuite, j'ai continué avec le maître Mukani, Mapangu Mukani Mwetcha, que Dieu est son âme, il nous a quittés. Et ensuite, j'ai continué avec le maître Mubamba, qui a pris sa retraite. Et je continue ici aux États-Unis. Je peux vous dire, les dents que j'ai, ce n'est pas nécessaire. Mais je continue à m'entraîner au moins 2 à 3 heures par jour. Je continue à utiliser les makiwara. Je continue à tuer les keriwaza. Je continue les wudawuke. Tout ça, c'est pour vous dire, pour la formation physique, pour me permettre d'être toujours alerte et en forme. Et je continue à aller à la gym. Je continue à soulever les poids autant que je peux. 80, 100, 200 kilos. Je continue à aller toujours au-delà de l'impossible. Parce que nous sommes un petit Dieu, ne l'oubliez pas. Nous sommes un petit Dieu. Nous sommes capables de tout. Mais c'est nous qui nous limitons dans l'espace et le temps. Nous nous limitons. N'oubliez pas cela. Ne soyons pas victimes du somatisme. Ne soyons pas victimes des manipulations psychologiques. C'est ça qui nous retient. Et c'est ça qui nous empêche d'évoluer. Par des soi-disant malédictions au sein de la famille. Par des soi-disant incapacités. Par des soi-disant excuses. On n'a pas besoin de ça. On évolue, on avance. Et les connaissances ? Au-delà du physique, je continue à m'entraîner mystiquement et spirituellement. Mon âme s'entraîne à voyager dans l'espace et le temps. Je m'associe, je fais des affiliations en appliquant la loi de 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Je prends ce qui me convient et je pratique. Et ce que je ne veux pas, je jette de côté. C'est ça qu'il vous faut, la leçon que je vous donne. Partout. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit à Tatan Zambé lui seul. N'ouvrez pas votre esprit à toutes les forces occultes bizarres et grégoriques, manipulatives, venant de qui que ce soit. Ah, refusez-moi tout cela. Refusez Bongo Ali Bongo, il doit partir, c'est clair et net. Refusez. Et ça, je le dis. Peut-être que j'utilise ici maintenant une méthode, une manipulation psychologique, je ne sais pas. Mais refusez tout ce qu'Ali Bongo vous dit. Refusez. Refusez tout ce que ces religions viennent vous dire si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, acceptez, si c'est pour votre bien. Mais on ne va pas venir vous accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Quelqu'un qui va venir crier Alléluia au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, faire du tapage, si ça vous donne des maux de tête, sortez. Parce que vous allez souffrir pour rien. Or, l'éveil de soi, ce n'est pas dans le bruit. L'éveil de soi, ce n'est pas dans le tapage, Tatan Zambé. L'éveil de soi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous donner ça. L'éveil de soi se trouve en vous. Parce que l'apôtre Paul, que j'aime prendre comme référence, vous dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Non. Rien. 0 à 0. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci. Que Dieu nous bénisse en ce jour de dimanche. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Et on se retrouvera samedi prochain pour un autre sujet encore très fort. Toujours dans le